sa pap jom kone I kote wap beton pe Dan la vi son pap jom kone Sa ki rayi ou, sa ki reme ou Si nous pas faisons mes confiances, nous je n'en pas ta regret. Dans la vie ça, on pas bien promet, il compte ou après tomber. Son pap jom konnen Sa ki rayi ou, sa ki reme ou Proverbe la di Si ou te konnen toujou deye Si nou pa fè san mi konfians Yo jou nou pa ta regret la rue Port-au-Prince, ça va piler là-bas. Dans la rue Pétionville, ça va piler là-bas. Bantini, Guadeloupe, Guyane, Française, dans Paris, tout partout, ça va piler là-bas. Chicago, ça va piler là-bas. Washington, ça va piler là-bas. Voyager même dans le monde cosmique, ça va piler là-bas.